Le colis de la reine par Germain Pabst. Marie-Antoinette n'aimait pas les bijoux. On aura beau le répéter, la légende dira toujours qu'elle dilapida les finances de la France pour l'achat de joyaux merveilleux. Et pourtant, la vérité, toute contraire, est manifeste pour quiconque veut prendre la peine de la voir. En venant en France, Marie-Antoinette avait apporté plusieurs parures que sa mère lui avait données. Quand elle monta sur le trône, Louis XVI lui offrit deux pendants d'oreilles faits de poires en brillant taillées en briolettes, c'est-à-dire à facettes. Une autre fois, pour une grande fête, la reine devait se montrer avec une parure de rubis appartenant à la couronne de France. Mais la monture n'était plus au goût du jour. On démonta le tout, on ajouta aux pierres appartenant déjà à ce joyau d'autres pierres qui étaient à la reine. Quand la fête fut terminée, on ne put distinguer les diamants de la reine de ceux de la couronne. Pour trancher la difficulté, le roi fit cadeau à sa femme de la parure complète. Un bon du roi, enregistré au conseil le 13 mars 1785, régularisa cette donation. La reine, durant son règne, ne se fait guère acheter qu'un médaillon des plus simples au chiffre royal et un bouquet de fleurs des champs en diamant. Si on examine les portraits nombreux qu'on a faits d'elle, on n'y verra nulle part, même lorsqu'elle est parée de ses plus belles toilettes, des joyaux étincelants comme ceux dont les femmes se couvraient au règne précédent. Nous ne pouvons pas savoir exactement ce que sont devenues les parures personnelles de Marie-Antoinette. Le carton les concernant, qui devait exister aux archives nationales, a disparu. Pourtant, il y a une vingtaine d'années, les briolettes de ses boucles d'oreilles étaient en la possession d'un prince médiatisé de l'Empire d'Allemagne qui désirait les vendre pour une somme considérable. Quant à la parure en rubis, d'après le catalogue officiel de la Schatzkammer, le trésor impérial de Vienne, elle subsisterait encore. Elle ne serait autre que la grande parure de rubis balais, très clair, entourée de diamants que le public peut voir une fois par semaine avec les autres joyaux de l'Empire d'Autriche. Et c'est Madame Royale qui l'aurait emporté avec elle quand elle fut tirée de prison et échangée contre les conventionnels que Dumouriez avait livrés à l'Autriche. Mais, outre que, après les inventaires, les parures de Marie-Antoinette étaient composées non de rubis clairs mais de pierres d'échantillon, il est certain que Madame Charlotte, au sortir de prison, n'avait aucun joyau avec elle. Ce n'est sûrement pas le directoire qui lui aurait rendu les bijoux confisqués à sa mère, bijoux qui, depuis longtemps, devaient être vendus ou engagés pour le compte du gouvernement, sans cesse à la recherche de ressources pécuniaires. Si la reine n'aimait pas les diamants, elle avait le goût d'autres dépenses non moins entraînantes, car déjà le roi avait dû plusieurs fois payer ses dettes. Il y avait 4 ans que Marie-Antoinette était sur le trône, quand les joailliers de la couronne, Boehmer et Bossange, présentèrent au roi un collier d'une valeur de 1 600 000 livres, composé d'une série de diamants d'une grosseur et d'une beauté incomparables. Le dessin de la monture de ce collier était loin de répondre à la beauté des brillants dont il était composé. Contrairement aux habitudes de la reine, certaines dames d'âge portaient encore de lourdes bertes ou des plastrons de pierreries qui ne peuvent guère donner une idée des charmants bijoux que nous désignons habituellement sous le nom de bijoux Louis XVI. Le collier qui nous occupe, du genre de ces bertes, ressemblait plutôt, par la lourdeur de son dessin, à une décoration de harnais de poitrail de cheval de Nabab ou de Raja d'Orient. Louis XVI était sans doute peu artiste et l'éclat des brillants suffit pour l'enthousiasmer au point qu'il voulut, séance tenante, faire cadeau de ses diamants à la reine à l'occasion de ses relevailles. Il court de suite dans son appartement, lui montre l'écrin et lui dit « Je vous l'offre ». La reine resta froide devant cet étalage de diamants, et comme on était en plein dans la guerre d'Amérique, elle répondit « Nous avons plus besoin d'un vaisseau que d'un bijou ». Louis XVI ne crut pas alors devoir forcer les désirs de Marie-Antoinette. Boehmer avait mis dans le collier, qui désormais s'appellera le collier de la reine, tout son avoir. Il avait même emprunté à gros intérêts pour se procurer les derniers diamants qui devaient parfaire son œuvre. Après le refus du roi, il tenta, mais sans aucun succès, des démarches auprès des cours étrangères. Marie-Antoinette avait déjà complètement oublié l'offre de son mari quand, un beau jour, Boehmer se présenta à elle. Elle était avec sa fille. Le joaillier se jette à ses genoux. « Je suis déshonoré, madame, s'écrie-t-il, si vous n'achetez pas mon collier. D'ici, je vais me précipiter dans la rivière. » La reine lui répond d'un air sévère. « Je n'aime point ces exclamations. » Et je vous regretterai si vous vous donniez la mort comme un insensé. Mais je ne serai nullement responsable de ce malheur. Je vous ai déjà dit que je n'ajouterais pas 4 diamants à ceux que je possède. J'ai refusé le collier que le roi voulait me donner. Ne m'en parlez plus jamais. Je vous sais mauvais gré de vous être permis par Essène devant cet enfant. » Comme Marie-Antoinette voulait absolument ne plus être en butte aux sollicitations et aux incartades de Boehmer, elle fit rompre toute relation avec lui et chargea le joaillier privilégié du roi de toutes les réparations, arrangements et ouvrages courants. De cette façon, la reine n'entendit plus parler du collier. En 1785, elle reçut un billet de Boehmer qu'elle ne comprit pas. Désormais, était-il dit dans ce billet, la plus belle parure qui existe servira à la plus belle des reines. Très intriguée, Marie-Antoinette envoya Madame Campan demander à Boehmer ce que signifiait cette lettre. Madame Campan parvint à le rejoindre à la campagne, et celui-ci déclara à son interlocutrice que la reine avait fait à tout le monde un mystère de l'achat du collier, mais que le cardinal de Rouen avait été chargé de traiter l'affaire. Ce fut un coup de foudre pour Madame Campan. Elle savait que depuis 10 ans, le cardinal était tenu à l'écart par la souveraine, et elle en conclut qu'on était en présence d'une mystification ou plutôt d'une escroquerie. Elle courut prévenir sa maîtresse. Celle-ci, toute bouleversée, se crut victime d'une odieuse machination dont le cardinal de Rouen était l'auteur. Le cardinal n'en était d'ailleurs pas à son coup d'essai. N'avait-il pas, dans un souper chez la du Barry, proféré les calomnies les plus basses sur le compte de la reine? Une autre fois ne s'était-il pas montré si violent contre elle auprès de Marie-Thérèse que l'impératrice, toute troublée, avait envoyé de suite en France le baron de Nenny pour vérifier les propos du cardinal? Enfin, sans cesse repoussé par la reine, il avait fait l'injure de se déguiser et de soudoyer un serviteur infidèle pour s'introduire furtivement, lui, duc français et prince de l'Église, dans les salons de Trianon et assister à une fête intime. Il était impossible à Marie-Antoinette, en présence des renseignements qu'on lui apportait, de douter un instant que le cardinal n'eût cherché une fois de plus l'occasion de la perdre dans l'esprit du roi et dans l'opinion de ses sujets. Se sentant outragée dans sa dignité de souveraine et de femme, elle obtint du roi que M. de Rohan soit arrêté dans ses habits pontificaux le 15 août 1785. Le cardinal, arrêté, fut amené devant le roi dans son cabinet. La reine s'y trouvait. Il répond d'abord avec assurance aux questions réitérées du roi qui est furieux. Le cardinal paraît même être si sûr de lui que la reine pense un moment qu'il va indiquer dans le château de Versailles un endroit secret de l'appartement où il aura fait cacher le collier par un homme acheté. Mais bientôt le cardinal se trouble et ne sait plus que répondre. Le roi l'invite alors à passer dans son cabinet. Il sera seul et il pourra écrire. Là, il rédige une justification qui n'est pas plus claire que sa déposition verbale. Le jour même, il est jeté à la Bastille. Mais il avait eu le temps de faire passer à son secrétaire un billet écrit au crayon, dans lequel il ordonnait la destruction immédiate et complète de tous les papiers qu'il avait chez lui. Louis de Rohan, grand aumônier de France, évêque de Strasbourg, duc et cardinal, était un de ces prélats de l'Ancien Régime dont la conduite scandaliserait singulièrement ceux qui sont habitués à voir dans les prêtres et les évêques les dignes représentants de la religion. Une seule anecdote suffira pour donner une idée de son caractère. Il professait pour la chasse une passion sans limite. Un jour de fête-dieu, poursuivant un cerf, dans son propre diocèse, il rencontre une procession. Il passe à travers, culbute et blesse quelques-unes de ses ouailles, et ne s'inquiète ni de les relever, ni de leur faire donner des soins. Telle est la charité chrétienne qu'il pratiquait. Comment ce grand seigneur avait-il été mêlé à pareille aventure? Sinon éloigné de la cour, au moins tenu à l'écart par la souveraine, Louis de Rohan brûlait du désir de rentrer en grâce. Rien ne devait lui coûter pour réaliser ce vœu. Doué d'un esprit assez étroit, peu perspicace, il confia ses désirs à une intrigante qui sut en profiter habilement. Ce fut la cause de sa perte. Le cardinal de Rouen ne fréquentait pas que la meilleure société. Dans ses relations, il avait rencontré une certaine Madame de Lamotte, arrière-petite-fille naturelle de Henri II, mariée à un escroc et qui vivait autant de galanterie que d'expédients. Quel rapport eut-elle avec le cardinal? Peu importe de le savoir. Toujours est-il qu'elle avait pris sur lui une influence absolue. Ayant obtenu, à force d'intrigue, un secours de la reine, Madame de Lamotte ne se faisait aucun scrupule de prétendre partout qu'elle était reçue dans l'intimité de Marie-Antoinette, qu'elle était sa confidente et la dispensatrice de ses bienfaits. Tout le premier, le cardinal de Rohan fut instruit de cette situation, et il n'y eut rien de plus pressé que de demander à Madame de Lamothe de la faire entrer en grâce auprès de sa souveraine. Madame de Lamothe lui déclara bientôt que la reine n'était pas si fâchée qu'on pouvait le supposer. Elle lui montra même une lettre écrite sur du papier bordé de vignettes bleues, dans laquelle il y avait quelques mots bienveillants pour lui. Comme il devenait chaque jour plus pressant, Madame de Lamothe eut l'idée machiavélique de faire acheter par le cardinal de Rohan le fameux collier que Boehmer tenait à vendre, de se l'approprier sans que personne n'en sût rien, de le vendre en détail et de se retirer loin de France où elle vivrait du produit de son vol. Bientôt les lettres sur papier à vignette bleue ne furent plus indirectement adressées au cardinal. Madame de Lamothe n'était plus que l'intermédiaire de la reine. Elle lui montra une série de billets toujours écrits sur le même papier et lui promettant, sans lui fixer de jour ni d'heure, une audience particulière. Les instances du cardinal devinrent telles qu'il fut convenu que Madame de Lamothe conduirait un soir dans le bosquet de la reine à Versailles le cardinal de Rohan et que là, il verrait Marie-Antoinette. Avant de fixer ce rendez-vous, la bonne intrigante s'était assurée du concours d'une fille galante, nommée Oliva, qui, à cause de sa ressemblance avec la reine, pouvait facilement, à la faveur de la nuit, être prise pour elle. Pour quelques centaines de livres, elle se prêtait d'autant plus volontiers à ce manège qu'elle n'y comprenait rien du tout. Le jour convenu, Madame de Lamothe emmena Oliva à Versailles, l'habilla de mousseline blanche, la coiffa à la Marie-Antoinette, puis se rendit avec elle dans le bosquet où Rohan attendait. Mademoiselle Oliva passa rapidement devant lui, lui remit une fleur et lui jeta à la hâte ces mots. « Vous savez ce que cela veut dire ?» Le cardinal s'inclina, tandis que Madame de Lamothe criait à sa compagne en l'entraînant par le bras. « Venez vite, voici Madame et la comtesse d'Artois, il ne faut pas qu'elle vous voie. » Rohan se faufila hors du parc comme il put, pendant que Madame de Lamothe faisait disparaître Mademoiselle Oliva. Rohan était désormais convaincu qu'il avait vu la reine et qu'elle l'avait désignée pour lui rendre les services les plus intimes. De son côté, Madame de Lamothe était sûre de pouvoir le faire agir à sa guise. Elle avait comme ami intime un sieur Retaux de Villette, ancien gendarme, actuellement faussaire. C'est lui qui confectionnait, sous la dictée de Madame de Lamothe, les lettres sur papier à vignette bleue et qui les signait du nom de Marie-Antoinette de France. Après l'entrevue de Versailles, Retaux composa une lettre dans laquelle la reine était censée demander 150 000 livres au cardinal de Rohan. Celui-ci les accorda de suite et cette somme vint remonter le train de vie des sieurs et dames de Lamothe qui jusqu'alors étaient des plus précaires. À leur tour, Boehmer et Beausange, toujours en quête d'une entrevue avec la reine, ont été adroitement avisés de la prétendue influence de Madame de Lamothe. Ils se présentent de suite chez elle. Celle-ci promet son appui, et le 24 janvier 1785, elle se rend chez les joailliers, leur annonce que la reine est décidée à acheter le collier, et qu'un grand seigneur viendra en faire l'acquisition pour elle. Un quart d'heure après, le cardinal de Rohan était là. Il demande d'abord à voir le collier, s'enquiert du prix et des conditions de paiement. Quand il est renseigné, il répond qu'il donnera la réponse à la personne qui l'a envoyé et qu'on le reverra avant peu. En effet, le 29 janvier, Boehmer et Beausange étaient mandés chez le cardinal. Il leur fait savoir qu'il est chargé de l'acquisition du collier et que 1 600 000 francs seront payés en 4 échéances de 400 000 francs, de 3 en 3 mois, à partir de la fin du mois d'août 1785. Boehmer et Beausange acceptent et signent un acte que 2 jours après le duc de Rohan le retourne muni de la prouvée et de la signature de Marie-Antoinette. Toutefois, le cardinal se réservait de garder cette pièce par-devers lui, promettant de la mettre sous enveloppe et d'écrire dessus qu'en cas où il mourrait avant l'échéance finale, elle devrait être remise au joaillier sans avoir été ouverte. Boehmer et Beausange étaient convaincus, comme le cardinal, que le collier était acheté. Le 1er février, Rohan se rendit avec le joyau à Versailles chez Madame de Lamothe. Il y était à peine arrivé qu'on sonna. Un homme, que Madame de Lamothe présenta comme le messager de confiance de la reine, lui remit une lettre. Elle la lut et lui donna le collier que venait d'apporter le cardinal. Peu de temps après, Boehmer et Beausange se rendirent à la première fête officielle que l'on donna pour voir si la reine portait le fameux collier. Leur surprise fut grande en constatant qu'elle ne le portait pas. Cependant, ils ne manifestèrent pas autrement leur mécontentement. De son côté, Madame de Lamothe, une fois en possession des pierres précieuses qui composaient le collier, s'occupa de les convertir en argent. Elle visita successivement les différents joailliers et orfèvres de Paris et de Londres et parvint à réaliser un certain nombre de brillants. Mais cette réalisation ne s'opérait pas sans difficulté et dans l'intervalle, le premier paiement arrivait à échéance. Il fallait franchir ce pas périlleux. Le 31 juillet, elle dicta à Retaux une lettre dans laquelle la reine demandait que le paiement du 1er août fût reculé jusqu'au 1er octobre. Le cardinal de Rohan fut profondément affligé de ce contretemps, mais il ne voyait pas encore clair dans ce qui se passait. Peu de temps après, le hasard lui mit sous les yeux la véritable écriture de la reine. Le coup fut terrible. Le cardinal comprit qu'on l'avait trompé. Il alla trouver Madame de Lamothe avec laquelle il eut une explication, mais elle fut encore assez adroite pour lui rendre espoir. Pendant ce temps, Boehmer et Bossange, remplis d'inquiétude, s'adressaient à Madame de Lamothe qui alors leur dévoila enfin ses agissements. Avec une extraordinaire impudence, elle leur dit qu'ils étaient trompés, que l'approuvé et la signature apposée au bas de l'acte de vente étaient faux, mais que le cardinal était très riche et qu'il n'y avait pas à chercher ailleurs, et qu'il fallait insister pour qu'il prît personnellement des engagements vis-à-vis d'eux. Les joailliers n'avaient pas d'autre ressource que celle de suivre les conseils de Madame de Lamothe. Ils se rendirent chez le cardinal et le pressèrent de questions. Celui-ci, sans rien laisser voir de ses sentiments, leur dit « Si je vous disais que j'ai traité directement, seriez-vous tranquille ?» Eh bien, je vous affirme que j'ai traité avec la reine, et je lève la main en garantie de mon affirmation. » Le cardinal ne pouvait plus douter qu'on l'avait trompé, mais il prévoyait le scandale qui résulterait de l'ébruitement de l'affaire. Il serait impossible de faire croire que lui, grand aumônier, avait pu, de bonne foi, être dupe d'une signature de la reine non seulement fausse, mais même invraisemblable, et à laquelle le premier venu ne se serait pas laissé prendre. En effet, les pièces étaient signées Marie-Antoinette de France. Or, jamais une reine ne signait que de son prénom. Comment d'ailleurs pouvait-il avoir été assez vain pour croire que la reine, tout en le tenant à l'écart, l'aurait chargé d'une mission aussi intime, aussi délicate, et cela à l'insu de tous? Le ridicule et la honte allaient rejaillir sur lui, et pour les éviter, il ne voyait pas d'autre moyen que de tenir intégralement les engagements dont il s'était porté garant. Madame de Lamothe avait bien compté là-dessus, mais elle voulait encore compromettre davantage sa victime. Elle parvint à lui persuader que, poursuivi par la haine des courtisans de Versailles, il lui fallait un asile, et elle obtint que le cardinal l'hébergea dans son propre hôtel avec son mari et sa femme de chambre. Au cours du procès, il sera constaté qu'après avoir eu connaissance de l'escroquerie dans tous ses détails, le cardinal avait cependant recueilli l'aventurière, la faussaire qu'il avait dupée. Malgré les promesses du cardinal, les joailliers crurent ne pas devoir garder plus longtemps le silence. Le 9 août, ils écrivirent à la reine, et c'est à la suite de leur révélation et du rapport de Madame Campan que le 15 août, le cardinal fut arrêté. Au procès, on démêla parfaitement l'intrigue, mais les pièces n'en furent pas rendues publiques, et ce n'est qu'à notre époque qu'un historien, M. Campardon, les a mises au jour et a montré que les attaques proférées contre la reine par les amis du cardinal et de Madame de Lamothe étaient de complètes calomnies. Si des historiens, même les plus sérieux, on peut croire que la reine avait été complice de l'affaire et qu'elle avait tout machiné pour se procurer de l'argent ou des diamants, c'est qu'il ne connaissait pas ces documents. Aujourd'hui, il n'y a plus moyen, à moins de faire œuvre de parti pris, de douter que Marie-Antoinette ignora ce qui s'était passé. Avec la meilleure bonne foi, elle considéra comme une injure personnelle de la part du cardinal de Rohan d'avoir pu supposer qu'elle lui aurait écrit mystérieusement par l'entremise de Madame de Lamothe sans jamais lui donner une assurance directe de sa prétendue mission. Marie-Antoinette, à cette date de 1785, ne jouissait plus de l'immense popularité qu'il avait accueillie à son arrivée en France. La longue incurie de Louis XV, on peut même dire son infamie, avait produit son œuvre, et les malheurs qui de toutes parts accablaient le peuple étaient imputés personnellement à la reine. Si quelques-uns des griefs qu'on articulait contre elle étaient à certains égards justifiés, beaucoup d'autres étaient mensongers. Depuis longtemps, les courtisans évincés, les partisans de cabales malheureuses soulevaient contre elle les pires passions. On l'accusait sans cesse d'avoir dilapidé les finances de la France, tant par ses prodigalités, telles que les fantaisies de Trianon, que par le jeu et les paris de course. Un mot qu'avait répété son frère, Joseph II, n'était pas venu diminuer les attaques. N'avait-il pas qualifié le salon de jeu de la reine de véritable tripot? Le Parlement, toujours frondeur comme au temps de Mazarin, voyait en effet la souveraine insouciante que ses remontrances n'avaient guère de chance d'inquiéter. Aussi, quand le cardinal de Rouen fut traduit devant lui, l'assemblée le déclara-t-elle innocent avec l'arrière-pensée que la reine en serait profondément peinée. L'opinion publique était favorable au noble prélat, et de plus, il était allié aux plus grandes familles de France, aux Marsans, aux Soubise et aux Condé. À en croire certains historiens, les femmes de ces maisons auraient employé vis-à-vis des magistrats les manœuvres les plus inavouables pour obtenir l'acquittement du cardinal. Nous ne mentionnons cette assertion que parce qu'elle est universellement accueillie, mais il nous répugne de croire que la magistrature française était à ce point pervertie qu'une complaisance ou une faiblesse pouvait l'amener à rendre un arrêt contraire à sa conscience. Toujours est-il que le cardinal, arrêté à l'instigation de la reine, et celle-ci étant personnellement en jeu, l'acquittement de l'accusé était la plus profonde injure qu'on pût faire à la souveraine. C'était presque la déclarer complice de la femme Lamothe et reconnaître que les bruits qui couraient sur ses dépenses exagérées étaient réels et qu'elle employait tous les moyens avouables ou inavouables pour y satisfaire. Pendant le procès, Marie-Antoinette fut en proie à la plus cruelle angoisse. Le 31 mars, à 9 heures du soir, le Parlement condamnait les Lamothe, mais acquittait le cardinal, quoique le procureur général n'eût demandé qu'un acte de repentir pour avoir manqué au respect dû à la personne sacrée du roi et de la reine et sa démission de grand aumônier. La foule applaudit les magistrats et Rouen fut acclamé à sa sortie de l'audience. L'acquittement rendit le roi furieux. Quant à la reine, ulcérée jusqu'au fond de l'âme et désespérant de reconquérir jamais la confiance de son peuple, elle écrivit de suite à la duchesse de Polignac ce fameux billet « Venez pleurer avec moi. Venez consoler votre amie, ma chère Polignac. Le jugement qui vient d'être prononcé est une insulte affreuse. Je suis baigné dans mes larmes de douleur et de désespoir. On ne peut se flatter de rien quand la perversité semble prendre à tâche de rechercher par tous les moyens de froisser mon âme. » Quelle ingratitude! Mais je triompherai des méchants en triplant le bien que j'ai toujours tâché de faire. Il leur sera plus aisé de m'affliger que de m'amener à me venger d'eux. Venez, mon cher cœur. » Le coup porté à la reine était si terrible qu'on peut le considérer comme un des plus rudes que devait recevoir la monarchie jusqu'en 1793. Aujourd'hui encore, est-on bien sûr que dans l'opinion publique, malgré les publications continuelles qui découvrent la vérité, elle ne demeure pas travestie et défigurée pour bien des gens. Ainsi s'achève le colis de la reine par Germain Pabst.